92 et les cipères. C'est 92 et les cipères. Animal comme un toperma, comme un cannibal. Animal comme un côté bestial. J'ai l'instinct animal. Quand il s'agit de faire parler les balles pour la familia, j'ai le fer du béton, la fuite du faucon. Les niaques du frelon et l'efficacité d'un canon. Animal comme ces ghettos qu'enfantique leur colère rond à cause de Sarko. Animal comme les frères du ghetto qui sont la dalle et qui veulent s'emparer de la mer. Animal comme Sky, Flash, Roy, Ragadou, ravage tout dans la douce coupe. Animal comme ces terroristes, ils sont hackers de l'Amérique gros et leurs deux tours gros. Animal comme les OZ qui s'entendent mon cousin, hey, pour les choses malsaines. Animal comme le GIA, comme la EIA. Animal comme un dîner l'Algérie. On va te hier, on est les gros gros, hein, comme à l'époque tu m'y as.